Germinal, 7e partie, 6e et dernier chapitre. Il était 4h du matin. La fraîche nuit d'avril s'attiédissait de l'approche du jour. Dans le ciel limpide, les étoiles vacillaient, tandis qu'une clarté d'aurore empourprait l'Orient. Et la campagne noire, assoupie, avait à peine un frisson, cette vague rumeur qui précède le réveil. Étienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer 6 semaines à Montsou, dans un lit de l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la force de partir, et il partait. La compagnie, tremblant toujours pour ses fosses, procédant à des renvois successifs, l'avait averti qu'elle ne pourrait le garder. Elle lui offrait d'ailleurs un secours de 100 francs, avec le conseil paternel de quitter le travail des mines, trop dur pour lui désormais. Mais il avait refusé les 100 francs. Déjà, une réponse de Pluchart, une lettre où se trouvait l'argent du voyage, l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. La veille, en sortant de l'hôpital, il avait couché au Bon Joyeux chez la veuve Désir, et il se levait de grand matin. Une seule envie lui restait, dire adieu aux camarades, avant d'aller prendre le train de 8h à Marchienne. Un instant, sur le chemin qui devenait rose, Étienne s'arrêta. Il faisait bon respirer cet air si pur du printemps précoce. La matinée s'annonçait superbe. Lentement, le jour grandissait, la vie de la terre montait avec le soleil. Et il se remit en marche, tapant fortement son bâton de cornouiller, regardant au loin la plaine sortir des vapeurs de la nuit. Il n'avait revu personne. La Maheude était venue une seule fois à l'hôpital, puis n'avait pu revenir sans doute. Mais il savait que tout le coron des 240 descendait à Jean Barre maintenant, et qu'elle-même y avait repris du travail. Peu à peu, les chemins déserts se peuplaient. Des charbonniers passaient continuellement près d'Étienne, la face blême, silencieux. La compagnie, disait-on, abusait de son triomphe. Après 2 mois et demi de grève, vaincus par la faim. Lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, ils avaient dû accepter le tarif de boisage. Cette baisse de salaire déguisée, exécrable à présent, ensanglantée du sang des camarades. On leur volait 1 heure de travail. On les faisait mentir à leur serment de ne pas se soumettre. Et ce parjure imposé leur restait en travers de la gorge, comme une poche de fiel. Le travail recommençait partout, à Mirou, à Madeleine, à Crèvecœur, à la Victoire. Partout, dans la brume du matin, le long des chemins noyés de ténèbres, le troupeau piétinait, des files d'hommes trottant le nez vers la terre, ainsi que du bétail mené à l'abattoir. Ils grelottaient sous leurs minces vêtements de toile, ils croisaient les bras, roulaient les reins, gonflaient le dos, que le briquet, logé entre la chemise et la veste, rendait bossu. Et dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, toutes noires, sans un rire, sans un regard de côté, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine, l'unique résignation à la nécessité du ventre. Plus il approchait de la fosse, et plus Étienne voyait leur nombre s'accroître. Presque tous marchaient isolés, ceux qui venaient par groupes se suivaient à la file, éreintés déjà, là, des autres et d'eux-mêmes. Il en aperçut un, très vieux, dont les yeux luisaient, pareils à des charbons, sous un front livide. Un autre, un jeune, soufflait d'un souffle contenu de tempête. Beaucoup avaient leurs sabots à la main, et l'on entendait à peine sur le sol le bruit mou de leurs gros bas de laine. C'était un ruissellement sans fin, une débâcle, une marche forcée d'armées battues, allant toujours la tête basse, enragé sourdement du besoin de reprendre la lutte et de se venger. Lorsqu'Étienne arriva, Jean Bart sortait de l'ombre. Les lanternes accrochées au tréteau brûlaient encore dans l'aube naissante. Au-dessus des bâtiments obscurs, un échappement s'élevait comme une aigrette blanche, délicatement teintée de carmin. Il passa par l'escalier du criblage pour se rendre à la recette. La descente commençait. Des ouvriers montaient de la baraque. Un instant, il resta immobile dans ce vacarme et cette agitation. Des roulements de berlines ébranlaient les dalles de fonte. Les bobines tournaient, déroulaient les câbles, au milieu des éclats du porte-voix, de la sonnerie des timbres, des coups de massue sur le billot du signal. Et il retrouvait le monstre avalant sa ration de chair humaine, les cages émergeant, replongeant, engouffrant des charges d'hommes, sans un arrêt, avec le coup de gosier facile d'un géant vorace. Depuis son accident, il avait une horreur nerveuse de la mine. Ces cages qui s'enfonçaient lui tiraient les entrailles. Il dut tourner la tête, le puits l'exaspérait. Mais dans la vaste salle encore sombre, que les lanternes épuisées éclairaient d'une clarté louche, il n'apercevait aucun visage ami. Les mineurs qui attendaient là, pieds nus, la lampe à la main, le regardaient de leurs gros yeux inquiets, puis baissaient le front, se reculaient d'un air de honte. Eux, sans doute, le connaissaient, et ils n'avaient plus de rancune contre lui. Ils semblaient, au contraire, le craindre, rougissant à l'idée qu'il leur reprochait d'être des lâches. Cette attitude lui gonfla le cœur. Il oubliait que ces misérables l'avaient lapidé. Il recommençait le rêve de les changer en héros, de diriger le peuple, cette force de la nature qui se dévorait elle-même. Une cage embarqua des hommes. La fournée disparut, et comme d'autres arrivaient, il vit enfin un de ses lieutenants de la grève, un brave qui avait juré de mourir. « Toi aussi, » murmura-t-il, navré. L'autre pâlit, les lèvres tremblantes, puis, avec un geste d'excuse, « Que veux-tu? J'ai une femme. » Maintenant, dans le nouveau flot monté de la baraque, il les reconnaissait tous. « Toi aussi! Toi aussi! Toi aussi !» Et tous frémissaient, bégayaient d'une voix étouffée. « J'ai une mère! J'ai des enfants! Il faut du pain !» La cage ne reparaissait pas. Ils l'attendirent, mornes, dans une telle souffrance de leur défaite que leurs regards évitaient de se rencontrer, fixés obstinément sur le puits. « Et la Maheude ?» demanda Étienne. Ils ne répondirent point. On fit signe qu'elle allait venir. D'autres levèrent leurs bras, tremblant de pitié. « Ah, la pauvre femme ! Quelle misère !» Le silence continuait. Et quand le camarade leur tendit la main pour leur dire adieu, tous la lui serrèrent fortement. Tous mirent dans cette étreinte muette la rage d'avoir cédé, l'espoir fiévreux de la revanche. La cage était là, ils s'embarquèrent, ils s'abîmèrent, mangés par le gouffre. Pierron avait paru, avec la lampe à feu libre des porions, fixée dans le cuir de sa barrette. Depuis 8 jours, il était chef d'équipe à l'accrochage, et les ouvriers s'écartaient, car les honneurs le rendaient fier. La vue d'Étienne l'ennuya. Il s'approcha pourtant, finit par se rassurer, lorsque le jeune homme lui eut annoncé son départ. Ils causèrent, sa femme tenait maintenant l'estaminet du progrès, grâce à l'appui de tous ces messieurs qui se montraient si bons pour elle. Mais s'interrompant, il s'emporta contre le père Mouque, qui l'accusait de n'avoir pas remonté le fumier de ses chevaux à l'heure réglementaire. Le vieux l'écoutait, courbait les épaules. Puis, avant de descendre, suffoqué de cette réprimande, il donna lui aussi une poignée de main à Étienne, la même que celle des autres, longue, chaude de colère rentrée, frémissante des rébellions futures. Et cette vieille main qui tremblait dans la sienne, ce vieillard qui lui pardonnait ses enfants morts, l'émotionna tellement qu'il le regarda disparaître, sans dire un mot. « La Maheude ne vient donc pas ce matin ? » demanda-t-il à Pierron au bout d'un instant. D'abord, ce dernier affecta de n'avoir pas compris, car la mauvaise chance s'empoignait des fois rien qu'à en parler. Puis, comme il s'éloignait, sous prétexte de donner un ordre, il dit enfin « Hein, la Maheude, la voici !» En effet, la Maheude arrivait de la baraque avec sa lampe, vêtue de la culotte et de la veste, la tête serrée dans le béguin. C'était par une exception charitable que la compagnie, apitoyée sur le sort de cette malheureuse si cruellement frappée, avait bien voulu la laisser redescendre à l'âge de 40 ans. Et comme il semblait difficile de la remettre au roulage, on l'employait à la manœuvre d'un petit ventilateur qu'on venait d'installer dans la galerie nord, dans ces régions d'enfer sous le Tartaret où l'aérage ne se faisait pas. Pendant 10 heures, les reins cassés, elle tournait sa roue au fond d'un boyau ardent, la chair cuite par 40 degrés de chaleur. Elle gagnait 30 sous. Lorsqu'Étienne l'aperçut, lamentable dans ses vêtements d'homme, la gorge et le ventre comme enflés encore de l'humidité des tailles, il bégaya de saisissement. Il ne trouvait pas les phrases pour expliquer qu'il partait et qu'il avait désiré lui faire ses adieux. Elle le regardait, sans l'écouter. Elle dit enfin, en le tutoyant, « Hein, ça t'étonne de me voir. C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas ? Ah, va, ce serait déjà fait s'il n'y avait pas le vieux et les petits à la maison. » Et elle continua, de sa voix basse et fatiguée. Elle ne s'excusait pas, elle racontait simplement les choses, qu'ils avaient failli y crever et qu'elle s'était décidée pour qu'on ne les renvoyât pas du coron. « Comment se porte le vieux ? » demanda Étienne. « Il est toujours bien doux et bien propre, mais la caboche s'en est allée complètement. On ne l'a pas condamné pour son affaire, tu sais. Il était question de le mettre chez les fous. Je n'ai pas voulu. On lui aurait fichu son paquet dans un bouillon. Son histoire nous a causé tout de même beaucoup de tort, car il n'aura jamais sa pension. Un de ces messieurs m'a dit que ce serait immoral si on lui en donnait une. « Jeanlin travaille ?»« Oui, ces messieurs lui ont trouvé de la besogne au jour. Il gagne 20 sous. »« Oh, je ne me plains pas. Les chefs se sont montrés très bons, comme ils me l'ont expliqué eux-mêmes. Les 20 sous du gamin et mes 30 sous à moi, ça fait 50 sous. Si nous n'étions pas 6, on aurait de quoi manger. Estelle dévore maintenant. Et le pis, c'est qu'il faudra attendre 4 ou 5 ans avant que Lénore et Henri soient en âge de venir à la fosse. » Étienne ne put retenir un geste douloureux. « Eux aussi !» Une rougeur était montée aux joues blêmes de la Maheude, tandis que ses yeux s'allumaient. Mais ses épaules s'affaissèrent, comme sous l'écrasement du destin. « Que veux-tu ? Eux après les autres ? Tous y ont laissé la peau. C'est leur tour. » Elle se tut. Des moulineurs qui roulaient des berlines les dérangèrent. Par les grandes fenêtres poussiéreuses, le petit jour entrait, noyant les lanternes d'une lueur grise. Et le branle de la machine reprenait toutes les 3 minutes. Les câbles se déroulaient, les cages continuaient à engloutir les hommes. « Allons, les flâneurs, dépêchons-nous » cria Pierron. « Embarquez, jamais nous n'en finirons aujourd'hui !» La Maheude, qu'il regardait, ne bougea pas. Elle avait déjà laissé passer 3 cages. Elle dit, comme se réveillant et se souvenant des premiers mots d'Étienne, « Alors, tu pars ?»« Oui, ce matin. »« Tu as raison. Vaut mieux être ailleurs quand on le peut. Et ça me fait plaisir de t'avoir vu, parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. Un moment, je t'aurais assommé après toutes ces tueries. Mais on réfléchit, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est la faute de personne. Non, non, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tout le monde. » Maintenant, Elle causait avec tranquillité de ses morts, de son homme, de Zacharie, de Catherine. Et des larmes parurent seulement dans ses yeux lorsqu'elle prononça le nom Alzire. Elle était revenue à son calme de femme raisonnable. Elle jugeait très sagement les choses. Ça ne porterait pas chance aux bourgeois d'avoir tué tant de pauvres gens. Bien sûr qu'ils en seraient punis un jour, car tout se paie. On n'aurait pas même besoin de s'en mêler. La boutique sauterait seule, les soldats tireraient sur les patrons, comme ils avaient tiré sur les ouvriers. Et, dans sa résignation séculaire, dans cette hérédité de discipline qui la courbait de nouveau, un travail s'était ainsi fait, la certitude que l'injustice ne pouvait durer davantage, et que, s'il n'y avait plus de bon Dieu, il en repousserait un autre pour venger les misérables. Elle parlait bas, avec des regards méfiants. Puis, comme Pierron s'était rapproché, elle ajouta tout haut : « Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore deux chemises, trois mouchoirs, une vieille culotte. » Étienne refusa du geste ces quelques nippes échappées au brocanteur. « Non, ça n'en vaut pas la peine. Ce sera pour les enfants. À Paris, je m'arrangerai. » Deux cages encore étaient descendues, et Pierron se décida à interpeller directement la Maheude. « Dites donc là-bas, on vous attend. Est-ce bientôt fini, cette causette ?» Mais elle tourna le dos. Qu'avait-il à faire du zèle, ce vendu ? Ça ne le regardait pas, la descente. Ses hommes l'exécraient assez déjà à son accrochage. Et elle s'entêtait, sa lampe au doigt, glacée dans les courants d'air, malgré la douceur de la saison. Ni Étienne ni elle ne trouvaient plus une parole. Ils demeuraient face à face. Ils avaient le cœur si gros qu'ils auraient voulu se dire encore quelque chose. Enfin, elle parla pour parler. La Levaque est enceinte. Levaque est toujours en prison. C'est Bouteloup qui le remplace, en attendant. Ah oui, Bouteloup. Et écoute donc, t'ai-je raconté? Philomène est partie. Comment, partie? Oui, partie avec un mineur du Pas-de-Calais. J'ai eu peur qu'elle ne me laissât les deux mioches, mais non, elle les a emportées. Hein, une femme qui crache le sang et qui a l'air continuellement d'avaler sa langue. Elle rêva un instant, puis elle continua d'une voix lente. En a-t-on dit sur mon compte? Tu te souviens? On disait que je couchais avec toi. Mon Dieu, après la mort de mon homme, ça aurait très bien pu arriver si j'avais été plus jeune, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'aime mieux que ça ne se soit pas fait, car nous en aurions du regret, pour sûr. Oui, nous en aurions du regret, répéta Étienne simplement. Ce fut tout. Ils ne parlèrent pas davantage. Une cage l'attendait, on l'appelait avec colère en la menaçant d'une amende. Alors, elle se décida, elle lui serra la main. Très émue, il la regardait toujours, si ravagée et finie avec sa face livide, ses cheveux décolorés débordant du béguin bleu, son corps de bonne bête, trop féconde, déformé sous la culotte et la veste de toile. Et dans cette poignée de main dernière, il retrouvait encore celle de ses camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. À bientôt, et cette fois serait le grand coup. Quel nom de Dieu de feignante ! Cria Pierron. Poussé, bousculée, la Maheude s'entassa au fond d'une berline avec quatre autres. On tira la corde du signal pour taper à la viande, la cage se décrocha, tomba dans la nuit. Et il n'y eut plus que la fuite rapide du câble. Alors, Étienne quitta la fosse. En bas, sous le hangar du criblage, il aperçut un être assis par terre, les jambes allongées, au milieu d'une épaisse couche de charbon. C'était Jeanlin, employé comme nettoyeur de gros. Il tenait un bloc de houille entre ses cuisses, Ils le débarrassaient, à coups de marteau, des fragments de schiste. Et une fine poudre le noyait d'un tel flot de suie que jamais le jeune homme ne l'aurait reconnu si l'enfant n'avait levé son museau de singe, aux oreilles écartées, aux petits yeux verdâtres. Il eut un rire de blague. Il cassa le bloc d'un dernier coup, disparut dans la poussière noire qui montait. Dehors, Étienne suivit un moment la route, absorbé. Toutes sortes d'idées bourdonnaient en lui. Mais il eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux. C'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Un flot d'or roulait de l'Orient à l'Occident sur la plaine immense. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait en un frisson de jeunesse où vibraient les soupirs de la terre, le chant des oiseaux, tous les murmures des eaux et des bois. Il faisait bon vivre. Le vieux monde voulait vivre un printemps encore. Et, pénétré de cet espoir, Étienne ralentit sa marche, les yeux perdus à droite et à gauche, dans cette gaieté de la nouvelle saison. Il songeait à lui. Il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie. Il s'en allait armé, en soldat raisonneur de la Révolution, ayant déclaré la guerre à la société, telle qu'il la voyait et telle qu'il la condamnait. La joie de rejoindre Pluchart, d'être comme Pluchart, un chef écouté, lui soufflait des discours dont il arrangeait les phrases. Il méditait d'élargir son programme. L'affinement bourgeois qu'il avait haussé au-dessus de sa classe le jetait à une haine plus grande de la bourgeoisie. Ces ouvriers, dont l'odeur de misère le gênait maintenant, il éprouvait le besoin de les mettre dans une gloire. Il les montrerait comme les seuls grands, les seuls impeccables, comme l'unique noblesse et l'unique force où l'humanité put se retremper. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le peuple, si le peuple ne le dévorait pas. Très haut, un champ d'alouettes lui fit regarder le ciel. De petites nuées rouges, les dernières vapeurs de la nuit, se fondaient dans le bleu limpide. Et les figures vagues de Souvarine et de Rasseneur lui apparurent. Décidément, tout se gâtait lorsque chacun tirait à soi le pouvoir. Ainsi, cette fameuse internationale, qui aurait dû renouveler le monde, avortait d'impuissance, après avoir vu son armée formidable se diviser, s'émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il donc raison? Le monde ne serait-il qu'une bataille, les forts mangeant les faibles pour la beauté et la continuité de l'espèce? Cette question le troublait, bien qu'il tranchât en homme content de sa science. Mais une idée dissipa ses doutes, l'enchanta. Celle de reprendre son explication ancienne de la théorie, la première fois qu'il parlerait. S'il fallait qu'une classe fût mangée, n'était-ce pas le peuple, vivace, neuf encore, qui mangerait la bourgeoisie et puisait de jouissance? Du sang nouveau ferait la société nouvelle. Et dans cette attente d'un envahissement des barbares, régénérant les vieilles nations caduques, reparaissait sa foi absolue à une révolution prochaine, la vraie, celle des travailleurs, dont l'incendie embraserait à la fin du siècle de cette pourpre de soleil levant qu'il regardait saigner au ciel. Il marchait toujours, rêvassant, battant de sa canne de cornouiller les cailloux de la route. Et quand il jetait les yeux autour de lui, il reconnaissait des coins du pays. Justement, à la Fourche aux Bœufs, il se souvint qu'il avait pris là le commandement de la bande le matin du saccage des fosses. Aujourd'hui, le travail de brute, mortel, mal payé, recommençait. Sous la terre, là-bas, à 700 mètres, il lui semblait entendre des coups sourds, réguliers, continus. C'étaient les camarades qu'il venait de voir descendre, les camarades noirs, qui tapaient dans leur rage silencieuse. Sans doute ils étaient vaincus, ils y avaient laissé de l'argent et des morts. Mais Paris n'oublierait pas les coups de feu du Voreux. Le sang de l'Empire, lui aussi, coulerait par cette blessure inguérissable. Et si la crise industrielle tirait à sa fin, si les usines rouvraient une à une, l'état de guerre n'en restait pas moins déclaré, sans que la paix fût désormais possible. Les charbonniers s'étaient comptés, ils avaient essayé leur force. Secoués de leurs cris de justice, les ouvriers de la France entière. Aussi, leur défaite ne rassurait-elle personne. Les bourgeois de Montsou, envahis dans leur victoire du sourd malaise des lendemains de grève, regardaient derrière eux si leur fin n'était pas là quand même, inévitable au fond de ce grand silence. Ils comprenaient que la révolution renaîtrait sans cesse, demain peut-être, avec la grève générale, l'entente de tous les travailleurs ayant des caisses de secours, pouvant tenir pendant des mois en mangeant du pain. Cette fois encore, c'était un coup d'épaule donné à la société en ruine, et ils en avaient entendu le craquement sous leurs pas, et ils sentaient monter d'autres secousses, toujours d'autres, jusqu'à ce que le vieil édifice, ébranlé, s'effondra, s'engloutit comme le Voreux, coulant à l'abîme. Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle. Il se rappela. Il y avait empêché la bande de se ruer sur Gaston-Marie. Au loin, dans le soleil clair, il voyait les beffrois de plusieurs fosses. Mirou sur la droite, Madeleine et Crèvecœur côte à côte. Le travail grondait partout. Les coups de Rivelaine qu'il croyait saisir, au fond de la terre, tapaient maintenant d'un bout de la plaine à l'autre. Un coup, et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les routes, les villages qui riaient à la lumière. Tout l'obscur travail du bagne souterrain s'y écrasait par la masse énorme des roches qu'il fallait le savoir là-dessous pour en distinguer le grand soupir douloureux. Et il songeait à présent que la violence, peut-être, ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne! Cela valait bien la peine de galoper à 3000 en une bande dévastatrice. Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pouvait être plus terrible. Sa raison mûrissait. Il avait jeté la gourme de ses rancunes. Oui, la Maheude le disait bien avec son bon sens. Ce serait le grand coup. S'en régimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicat lorsque les lois le permettraient. Puis, le matin où l'on se sentirait les coudes, où l'on se trouverait des millions de travailleurs en face de quelques milliers de fainéants, prendre le pouvoir. Être les maîtres. Ah ! Quel réveil de vérité et de justice ! Le dieu repu et accroupi en crèverait sur l'heure. L'idole monstrueuse, cachée au fond de son tabernacle, dans cet inconnu lointain, où les misérables la nourrissaient de leur chair sans l'avoir jamais vue. Mais Étienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. À droite, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit que trois pompes épuisaient sans relâche. Puis, c'étaient les autres fosses à l'horizon, la Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantelle. Tandis que vers le nord, les tours élevées des hauts fourneaux et les batteries des fours à coke fumaient dans l'air transparent du matin. S'il voulait ne pas manquer le train de 8 heures, il devait se hâter, car il avait encore 6 kilomètres à faire. Et, sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des Rivelaine continuaient. Les camarades étaient tous là. Il les entendait le suivre à chaque enjambée. N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de betterave, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur. À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres,